Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici tout de suite les grands titres de ce journal. La société sucrière du Mosso en est à l'étape des discussions de responsabilité avec Sarai Group, une société ougandaise avec laquelle la Sosumo est en train de conclure un partenariat. Vous suivrez les précisions de l'administrateur directeur général de la Sosumo. Le gouvernement du Burundi ne devrait jouer que le régulateur dans le commerce au profit du secteur privé. C'est ce que recommande l'OLUCOM, une organisation de la société civile engagée dans la lutte contre la corruption. Et l'axe Rumonga-Nyanza-Lac en réhabilitation est menacé de coupures sur plusieurs endroits. C'est la faute au poids lourd qui emprunte cette route malgré l'interdiction formelle de l'agence routière du Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le partenariat entre la société sucrière du Mosso et la société ougandaise Sarai Group franchit l'étape des discussions de responsabilité entre les deux parties prenantes, annonce de l'administrateur directeur général de la Sosumo dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro. En outre, général-major Aloïse Ndaikengurukiye déplore que la Sosumo n'ait pas parvenu à atteindre la production de 20 000 tonnes prévue pour la récente campagne suite aux inondations survenues dans les champs de canne à sucre. Suivez-le. S'il faut parler de l'état des lieux de la production du sucre, puisque ce n'est pas la période de production, je vais peut-être parler dans un premier temps de la gestion de la production qu'on a eue au cours de la campagne passée, où au cours de cette campagne, on a eu des problèmes liés aux pluies diluviennes qui ont fait que le mouvement des tracteurs à un moment donné n'a pas été possible de continuer et on a été obligé d'arrêter la campagne avant d'arriver à l'objectif qui était convenu. Et l'objectif était d'arriver à une production de 20 000 tonnes de sucre, mais malheureusement, on a atteint une production de 13 000, à peu près 800 tonnes, parce que les conditions ne nous permettaient pas de continuer. Alors, à côté de cette production locale, nous la renforçons effectivement par une importation. Au moment où je vous parle, le fournisseur est en train de procéder à la livraison et nous sommes vraiment satisfaits du rythme de livraison. Et quel était l'avancement du partenariat entre la Sosumo et le groupe Ougandais-Sarai? Le partenariat, donc, je peux le situer en deux phases. D'abord, la phase préliminaire, qui est la phase de négociation, et la phase d'exécution, donc la phase de début de partenariat, qui n'a pas encore commencé. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes à la phase des négociations. Il y a eu des réunions d'échange, de négociations qui se sont passées en Ouganda, et hier, ils étaient ici au Burundi. Nous sommes à cette phase, afin de décrocher un partenariat ou un contrat qui sera signé par le gouvernement côté Burundi et le groupe Sarai Group côté de ses investisseurs. Donc après avoir signé le contrat de partenariat, viendra alors la deuxième phase qui sera une phase de travailler en commun, donc la Sosumo et Sarai Group. L'idée, c'est d'aller vite, mais comme vous le savez, vous commencez les négociations, mais vous ne pouvez pas fixer exactement à quelle date prendront fin ces négociations. Mais le souhait est d'aller plus vite pour entamer la phase suivante. Général-major Aloïse Ndaikenguru, qui est administrateur directeur général de la Sosumo, rappelons que fin 2023, le cabinet civil du chef de l'État avait demandé à la Sosumo d'accélérer ce partenariat et la recommandation était que les travaux devaient débuter avec le mois de janvier cette année. Le gouvernement du Burundi devrait se retirer du commerce et rester régulateur et ainsi laisser place au secteur privé comme cela est fait ailleurs. Sinon, on ne parle point de développement. Dans une conférence de presse au jeudi, Gabriel Rufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, a fait savoir qu'il s'est adressé aux hautes autorités du pays pour leur montrer les manquements observés dans les entreprises publiques dans ce contexte de pénurie de carburant et d'autres produits. Il se réfère à l'article 69 de la Constitution qui appelle tout Burundais à participer au suivi de la mise en place des politiques publiques relatives aux entreprises publiques. On l'écoute. Certaines sociétés qui sont déjà fermées. Ici, nous citerons à titre exemplatif Kotebu, Kadebu, Onafa, Afritan, Otrabu, ONR, Air Burundi et bien d'autres sociétés qui ont été déjà fermées. Ce qui est grave est que la fermeture de ces sociétés engendre d'autres problèmes en rapport avec le manque de main-d'œuvre et le licenciement du personnel de ces sociétés. Aujourd'hui, selon une étude en provenance des services du ministère des Finances, certaines sociétés actuellement ont une dette de plus de 1500 milliards de francs. Le deuxième point, il y a des entreprises publiques qui fonctionnent, mais comme je le disais, qui sont en situation de moribonde. Il y a entre autres mutuelles de la fonction publique, Runatel, Cogerco, OTB, Onatur, Otraco et bien d'autres sociétés. Malgré que cette situation est comme ça depuis 1987, on continue à observer que le gouvernement du Burundi n'a jamais tiré des leçons. En général, il est mauvais gestionnaire de la chose publique. Troisièmement, comme je le disais tantôt, le gouvernement continue à créer d'autres sociétés, malgré que les sociétés déjà créées depuis la Deuxième République continuent à fermer, à tomber en faillite. Les sociétés nouvellement créées, je parle par exemple cette société Sopebu, en charge de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation, de la gestion des produits pétroliers. Cette société est à presque 100% publique. Cette société qui sera gérée par l'État, les services publics de l'État, sera-t-elle efficace au moment où d'autres sociétés qui ont été créées antérieurement n'ont pas été efficaces? Gabriel Ofsiri de l'Olicom, qui demande au gouvernement de dépolitiser totalement les entreprises publiques et de mettre en place des critères objectifs dans le choix de leurs gestionnaires. Encore une fois, Gabriel Ofsiri. La première recommandation est de demander aux autorités publiques de soigner la gestion administrative et financière des entreprises publiques, de commanditer des audits financiers, organisationnels et externes dans toutes les entreprises publiques qui affichent des résultats négatifs. Engager une main-d'œuvre compétente tout en évitant des considérations d'appartenance politique, ethnique et régionale lors du recrutement. Consulter des experts, tant nationaux qu'internationaux, avant toute entreprise de création, parce que ça a été prouvé que ce genre d'expertise manque. Dépolitiser les politiques publiques dans les entreprises publiques. Isanganiro, la radio de l'avenir. La suite de ce journal avec les habitants de la commune et province Rumonge qui avaient des dossiers pendants à la CNTB, la Commission nationale des terres et autres biens, avant l'expiration de ce mandat, qui se réjouissent de l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi régissant la Commission vérité et réconciliation sévère, lui conférant le traitement de ces dossiers. Ceux qui se sont exprimés demandent à la CVR de tirer leçon des problèmes qu'ont connus les commissions précédentes afin d'améliorer sa façon de faire et de dépêcher à Rumonge une importante délégation pour accélérer le traitement de ce genre de dossiers nombreux dans cette localité. Nous apprécions très positivement la mesure. La CVR est la bienvenue parce que tout le monde connaît que la CNTV a échoué. La CNTV a connu l'échec cuisant. Elle avait commencé en 2006. Elle a arrêté en 2022, au mois de mars, il y a 2 ans. En tout cas, le bilan est très négatif. S'il faut compter le nombre de dossiers qui ont été traités ici chez nous à Rumonge, le travail est toujours vraiment au départ. Et s'il faut ajouter aussi, on a aussi quelques préoccupations quant à l'aboutissement. On a connu beaucoup de commissions dans notre pays. Alors, nous allons de commission en commission jusqu'à quand? Est-ce que la CV ne va pas aussi connaître le même problème? Les inquiétudes ne manquent pas car, même avec la mise en place de la CNTB, on pensait que les choses allaient s'améliorer, mais en vain. Il y a même des cas où la CNTB accueillait des dossiers des résidents à la place des rapatriés. Espérons que les choses vont s'arranger avec la CVR, car cette dernière collaborera avec les notables collinaires, lesquels ont des informations nécessaires concernant la population de la localité. On demande à la CVR de trancher équitablement les conflits, quitte à ce que toute personne se sente rétablie dans ses droits. J'espère que cette fois-ci, la CVR ne va pas traîner à trancher les litiges comme la CNTB l'a fait. Pour mon cas, j'ai déposé mes plaintes depuis longtemps, mais sans succès. C'était le micro-baladeur de notre correspondant à Rumonge. On y reste et c'est pour retrouver Jean-Pierre Misago qui nous rapporte que la route nationale numéro 3 dans son tronçon Rumonge-Nyanzala qui est menacée de coupure dans plusieurs points sur une distance de 12 km depuis la colline Rimbo jusqu'à Mvugo en commune Nyanzala de la province Makamba. Selon l'agence routière du Burundi, maître de l'ouvrage dans le projet de réhabilitation de ce tronçon, la montée des eaux du lac Tanganyika et le perpétuel passage, pourtant interdit des poids lourds, sont à l'origine de cette situation. Au niveau de l'ARB, l'on demande à l'administration et à la police de s'impliquer afin de bloquer temporairement le passage à ces véhicules sur cette chaussée. Il est en ligne. Jean-Pierre Misago. Ces points critiques menacés de coupure sur ce tronçon se trouve entre les points kilométriques 102 et 114. Dans ces points, la bande de circulation se rétrécit du jour au jour suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, une situation aggravée par le passage sur cette chaussée des poids lourds et camions qui se poursuit selon l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué dans ce projet. Selon les employés de cette agence rencontrés sur le terrain, on pouvait dynamiter les affleurements rochers pour élargir la chaussée. Mais le problème est que les poteaux électriques déplacés suite à cette montée des eaux du lac Tanganyika sont implantés dans l'emprise même de la chaussée, augmentant ainsi le coût des travaux si l'entreprise exécutant ces travaux venait à les déplacer de nouveau. Au niveau de la régie des eaux, région sud, l'on informe qu'un contrat avec l'entreprise Chico existe afin de déplacer loin de la chaussée ces poteaux électriques. La régie des eaux se limitant actuellement à des travaux de dépannage pour pérenniser l'alimentation en électricité de cette commune. En attendant l'intervention pour le rétablissement de la chaussée, la RB demande à l'administration et à la police de s'investir pour empêcher les poids lourds et les camions de continuer d'y passer afin de prévenir d'éventuels accidents mortels. L'interdiction formulée par l'agence routière du Burundi sur son compte X le 28 mars 2024 n'étant pas jusqu'à ce 10 avril respecté. Jean-Pierre Misago, depuis Mvugo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, SENAC, Murima Wisangi, estime que l'encadrement réservé au secteur du café laisse à désirer depuis la déprivatisation du secteur café. Dans une interview accordée à notre station, Jean-Pierre Naoménier-Eyé, président de cette confédération, a souhaité qu'il y ait réintégration des privés dans l'objectif de développer cette culture d'exportation. Selon lui, cela permettrait d'augmenter de nouveau la production. Suivez-le, il est traduit par Jean de Dieu Irakotse. L'État a jugé nécessaire de déprivatiser le secteur café, c'est-à-dire qu'il a repris en main tout ce qui concerne la production. Cependant, en considérant sa main d'œuvre, c'est-à-dire les bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, elle assure beaucoup de tâches qui ne leur permettent pas de les combiner avec celles liées à l'entretien du café. Au niveau de la SENAC, on avait plus de 800 employés qui se préoccupaient uniquement de cette culture. Pour accroître la production, ça nous avait pris un temps. Voyons donc les BPAI suivre en même temps la culture de colocase, du haricot, du riz, bref, toutes les cultures semées au Burundi. Donc, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas fournir en même temps de l'encadrement pour toutes ces cultures alors que l'entretien du café nécessite à lui seul du travail fastidieux. Pour que les choses marchent bien, il faut que l'État réintègre le secteur privé dans l'objectif de développer de nouveau le secteur café. En plus, nous savons que l'État est en train d'aménager ses propres plantations du café. Mais normalement, nous pouvons dire que la culture du café est celle des ménages. Cela étant, les caféiculteurs atteignent un peu plus de 600 000 ménages que l'État ne peut pas remplacer. Vous comprenez bien que cela demande qu'ils soient encadrés. Si l'État a besoin d'augmenter les plantations, qu'il le fasse en veillant aussi à ce que celles déjà existantes soient bien entretenues. ikongereza iyindi mirima mugabo yari hasanzwe iri kwirakorerwa neza. Une coopérative des jeunes au centre Bandaga en commune Matongo produit de la viande hachée à partir de lapins et les peaux de cet animal servent à la fabrication des chaussures. Les jeunes de Bandaga apprécient positivement les activités de cette coopérative dénommée Rukwavu Product qui leur permet de se procurer de l'emploi. Le président de la coopérative indique que l'objectif est de trouver du marché d'écoulement dans tout le pays. Mais la coupure intempestive du courant électrique à Matongo reste un défi auquel fait face cette coopérative. Patrick Saint-Guillaume. Nous sommes au centre Bandaga, en commune Matongo de la province Kayanza. À ce centre, il y a une coopérative de développement de jeunes qui se sont réunis pour la transformation et la commercialisation de la viande des lapins. Nionda Vilain, connu sous le sobriquet de Bakame, qui est le président de cette coopérative des jeunes à Matongo, dit Telukwavu Product, indique que l'idée de transformer la viande des lapins dans des boulettes et saucisses, dit moins la viande hachée des lapins, a jailli après avoir trouvé que certains des habitants de Bandaga ne consommaient pas la viande de cet animal. Nyondavzi dit qu'avec l'appui du PAEJ, la coopérative qu'il dirige s'est dotée des machines qui facilitent la transformation de la viande des lapins. Le président de la coopérative Elokwavu Product fait savoir que même la peau des lapins est utile dans la fabrication locale des souliers. Nyondavzi indique aussi que lui et d'autres membres de la coopérative Elokwavu Product se réjouissent beaucoup du pas déjà franchi, surtout en ce qui est de la création de l'emploi pour d'autres jeunes à Matongo. Toutefois, le même président de Elokwavu Product fait savoir que la coupure intempestive du courant électrique à Matongo reste un défi majeur auquel fait face le bon fonctionnement des activités de leur coopérative. Des jeunes à Bandaga, surtout ceux embauchés par la coopérative, disent apprécier l'initiative de ce jeune de les réunir ensemble dans une coopérative de développement afin de se créer un même d'emploi. Alice Sabiyumva, administrateur communal de Matongo, salue chaleureusement l'initiative de ces jeunes de Bandaga, surtout en ce qui est de la lutte contre le chômage, et appelle d'autres jeunes en cette commune d'ailleurs à les prendre pour modèle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyou va pour la radio Isanganilo. Et pour boucler ce journal de la culture, 4 ans viennent de s'écouler après la mort de l'artiste Léonard Niyomongere, auteur, compositeur, interprète, instrumentiste. Il s'inspirait de la Bible et du vécu des Burundais. Christian Xavier nous rappelle les thématiques qu'il développait dans ses chansons. Léonard Niyomongere est né en 1976 dans la province de Bururi et a vite manifesté son attachement à la musique en développant ses talents dès le plus bas âge, surtout à l'école secondaire. Il se promenait toujours avec sa guitare tout en relatant la vie sociale burundaise. Son inspiration provient beaucoup plus des écrits bibliques, par exemple dans Yodé Fumuri Egiputa. Il parle également du patriotisme et de la solidarité burundaise à travers la chanson Twarahe Mukeba Sokuru. Il n'a pas manqué d'honorer les femmes à travers sa chanson « Maman ». Il dénonce également les gens qui n'aiment pas voir les autres avancer à travers sa chanson « Abanu ». Léonard Niyomongere a également parlé de l'injustice sociale à travers sa chanson « Abagabo Bararya Imbwa Zikishura ». Ikirogo cyaraguye ikinyereye ku gitoki kitiyanyereye umupfunzi karakanuye me uwarukanye hora. C'est le 11 avril 2020 que Léonard Niomungere a rendu l'âme et vite enterré à cause du Covid-19. Merci Christian Xavier et que la terre lui soit légère. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.